Regarde, il y a la neige qui dévale. Paris, la guerre finie, à quel prix? Juin 1944, mai 1945, des dates qui ne tombent dans l'oubli. Paris, l'enfer, la vie endormie. Occupation, résistance, séparation et distance, l'œuvre éternelle du conflit. Et pourtant, l'espoir surgit. Regarde, il y a la neige qui dévale, qui traverse le plomb de ton gilet pare-balles. Sur l'air lourd de tes gouttes d'étoiles. Regarde, il y a la mer qui avale l'agonie des héros échoués, leur fatale. Regarde, les reflets sur la toile, ils caressent les plumes, les couleurs se dévoilent. Promis, la guerre finie, mais oui. À vous entendre, je pleure sur les enfants et les fleurs, car les colons se sont enfuis. Promis, plus peur la nuit, même si au but fracas, délation, ravage, disparition, embarquement pour la soumission. Et pourtant, Dieu leur sourit. Regarde, l'agonie des héros échoués leur femme.